Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Aujourd'hui, on vous parle de plumes, alors accrochez-vous, c'est parti. Comment ça va, Sophie? Retour au pays, ça va mieux. Voilà. C'est une question que je te pose assez souvent et dont je connais souvent d'ailleurs le résultat. Oui. Mais voilà, content en tout cas que tu ailles bien, oui. Que tu sois bien retourné effectivement en Afrique du Sud. Et puis, on sera évidemment toujours là pour parler d'oiseaux, bien sûr. Mais on oui. continue à parler d'oiseaux. Sur n'importe quel continent. Tu nous parles de... Mais oui, tu nous parles de quoi cette semaine, Sophie? Eh bien, comme tu l'as dit si bien, nous allons parler de plumes aujourd'hui, mais moi je vais m'intéresser plus à la coloration des plumes, et notamment des plumes des ancêtres des oiseaux. Voilà. Et moi je vais m'intéresser un petit peu plus au polymorphisme des plumes chez les rapaces. Et je vais démarrer du coup par ma petite anecdote de cette semaine. 40% des mâles busards des roseaux ont un plumage ressemblant davantage à celui de la femelle. Ils ont autant de chances de s'accoupler et sont moins sujets à la violence des autres mâles. Oh. Intéressant. Alors, c'est une étude qui date de 2013. Elle a été réalisée par une équipe franco-espagnole et est sortie dans Biology Letters. Et grosso modo, l'étude, elle présentait donc le busard des roseaux, qui est un rapace assez classique, et qui a deux phénotypes, c'est-à-dire en gros qu'on a deux coloris de plumage différents pour le mâle. On a le mâle qui a le plumage classique, et on a un autre plumage qui ressemble un petit peu plus à la femelle, qui est brun avec la tête et les épaules blanches. Et l'objectif de ces chercheurs, c'était de déterminer bien s'il y avait effectivement une petite disparité entre ces deux comportements. Et il s'est avéré que les chercheurs ont fait pas mal de petites découvertes assez intéressantes par une expérience assez simple. Ils ont mis des appos près des nids de ces busards des roseaux. Ils ont testé au total 36 individus et leur objectif, c'était de tester l'agressivité, notamment des mâles gris, donc les mâles qui sont efféminés entre guillemets. Okay. C'est un terme qui était utilisé dans pas mal de retours de publication. Et les mâles, on va dire, avec le plumage le plus classique. Ils observaient, que les mâles étaient moins violents envers les mâles au plumage gris, donc les mâles qui ressemblent davantage aux femelles. De leur côté, les mâles qui étaient bruns, donc les mâles qui ressemblent aux femelles, avaient un comportement plus violent envers les appos à l'aspect de femelle qu'avec ceux à l'apparence des deux types de mâles. Donc les mâles bruns, entre guillemets, donc les mâles qui ont un plumage de femelle, évitaient de se friter avec des mâles au plumage très adulte. Tout le monde y gagne, les premiers donc sont moins belliqueux à l'égard des seconds, et les mâles efféminés, entre guillemets encore une fois efféminés, bénéficient d'un avantage pour l'accès aux femelles, puisque les mâles qui ont un plumage adulte très prononcé, eh bien, attaquent finalement assez peu ces autres mâles, puisqu'ils ressemblent davantage aux femelles. Voilà pour cette petite anecdote. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que en juillet 2024, on a eu une étude qui est sorti 24 juillet 2024, qui s'appelle Plumage Polymorphism in Raptors. Et l'objectif, c'était de déterminer pourquoi on avait un tel polymorphisme, c'est-à-dire pourquoi on avait autant de différences de couleurs de plumage entre les différents individus. Alors, ils n'en ont pas conclu grand-chose de très, très intéressant, pour être honnête, puisque leur... En fait, leurs objectifs, grosso modo, ils ont déterminé que ces différences s'expliquaient par le sexe, par l'âge, mais aussi sans doute d'autres biais qui rentraient en ligne de compte. Grosso modo, ils disent qu'il faut continuer à faire des recherches, et notamment dans la famille des hiboux, parce que c'est là où le polymorphisme est assez peu testé, ou en tout cas assez peu étudié par rapport aux autres rapaces. Et on est entre généralement 13% et 24%. 24% c'est pour les rapaces nocturnes et notamment les strigidés. On a justement une différence de polymorphisme dans le plumage. Donc il y a énormément encore de travail à faire. On connaît la buse variable hein, qui existe en 10 ou 11 coloris disponibles. Eh bien, il y a de très fortes chances qu'on ait d'autres rapaces qui, justement, aient à nous délivrer d'autres petits secrets. Mais voilà pourquoi le busard des roseaux mâles peut avoir, justement, deux types de plumage. Et les scientifiques en ont conclu que l'oiseau avait un intérêt évolutif pour pouvoir posséder ce plumage. 40%, on le rappelle, des plumages de mâles sont des plumages de mâles ressemblant à des femelles. Oui, mais alors, il y a quand même une question que je me pose. Après, tu m'arrêtes si tu trouves pas ça logique, mais pour les mâles qui ressemblent à des mâles, l'intérêt est moindre, en fait, parce que eux, du coup, ils se font voler leurs femelles par les mâles qui ressemblent à des femelles, non ? Eh ben, je sais pas, parce que... honnêtement, je ne sais pas. C'est pas quelque chose qui a été précisé dans le papier, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être que ça a été proposé, et ça a été précisé plus tard, parce que le papier, comme je l'ai dit, a une dizaine d'années. Ouais. Mais c'est vrai que on peut voir effectivement un avantage évolutif plus important chez les mâles qui sont plus efféminés que chez les femelles. Efféminés, encore une fois, entre parenthèses. Mais je me demande si les femelles choisissent peut-être pas plus les mâles aux couleurs bien classiques, parce que justement ce sont des individus qui vont être beaucoup plus sécuritaires, notamment vis-à-vis de la protection du nid, par exemple. Bah, je sais pas, parce que là t'étais parti sur du 40% quand même pour la prédominance du plumage plus femelle que mâle, et 40% c'est énorme, quoi. Ah, 40% c'est énorme, on est absolument je sais même pas, d'accord là-dessus. Même s'il y a une sélection par la femelle, elle a pas l'air d'être énorme quand même, hein. Enfin... Après, peut-être que il y a un équilibre qui s'opère à un moment donné. Ouais. Peut-être que les femelles qui sont plus expérimentées choisissent des mâles qui sont avec un plumage beaucoup plus typé mâle entre guillemets primaire, et donc on se retrouve finalement avec une différence de ratio qui entre guillemets s'équilibre. Honnêtement, je ne sais pas du tout où est allée cette étude. Et peut-être qu'on aura des informations complémentaires un petit peu plus tard. J'ai fait quelques recherches, mais il n'y a pas grand-chose. C'était compliqué de retrouver déjà l'étude de base. Mmh. Donc, peut-être qu'il y a eu d'autres travaux qui ont été faits depuis, mais c'était assez difficile de retrouver toutes ces informations et de les mettre ensemble, bien que j'ai réussi à retrouver l'étude au final, mais c'était compliqué. Oui, mais c'est super intéressant, hein, ça c'est clair. Mais ça pose d'autres questions, c'est ça qui est chouette. Mmh. Absolument, absolument. Le plumage des rapaces et la mue des rapaces, parce que on n'a pas parlé de mue dans le courrier de la Sterne encore, je pense qu'on en parlera un jour, hein, forcément, on rentrera un petit peu plus dans le détail. C'est le bazar, hein, entre guillemets, les mues, parce qu'il y a énormément de termes qui sont utilisés, des termes qui correspondent grosso modo à des... J'allais dire à des semestres, Sophie, mais tu m'arrêtes si je dis des bêtises, parce que j'ai un peu l'impression que c'est vraiment par tranches d'hiver et d'été qu'on détermine les différents plumages des oiseaux. Oui. Et j'ai découvert qu'en Europe et aux États-Unis, on n'avait pas les mêmes terminologies de plumage qui sont utilisées. Nous, on est avantage, on va dire, un peu factuel, puisqu'on va parler de plumage d'hiver, plumage d'été, plumage prénuptial, ce genre de choses-là. Tandis que les Anglais et les Américains vont être beaucoup plus, on va dire, théoriques. On va parler de plumage basique, de plumage formatif, je pense, que ça se dit comme ça. Ou encore de plumage alternatif. Ouais. Mais peut-être que toi, étant donné que tu connais mieux le domaine que moi, tu vas pouvoir démêler peut-être le vrai du faux dans ce que je dis. Non, alternatif, j'ai vu ça souvent, effectivement, comme notamment quand tu regardes dans les guides, par exemple, t'as alternatif à chaque fois pour les plumages qui sont un peu différents, les variations de coloration. Mmh. Et après, Je crois, mais alors peut-être que je me trompe, que alternatif est plus souvent utilisé pour quand on l'a, comme on l'a dit tout à l'heure, des plumages qui vont être, qui vont pas varier selon les saisons, mais qui vont être différents de la norme. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, les plumages qui ressemblent plus à des femelles, par exemple, là on a une variante. Voilà. Mais je ne sais pas si ça concerne vraiment la mue, ce terme-là. Intéressant. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire sur le plumage du busard des roseaux et des rapaces en tant que tel. Et je reconclus à nouveau pour dire que, effectivement, l'âge, notamment le sexe, sont des données à prendre en considération, mais qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs qui interagissent souvent pour maintenir justement les différentes morphes de plumage, comme par exemple l'écologie de l'animal ou encore sa capacité, pourquoi pas, à se camoufler, oui, comme justement chez les rapaces. Exactement. Et puis après, on a toutes les variations aussi avec des mutations du style trop de mélanine ou pas assez, ou bien du leucisme ou de ce genre de choses qui peuvent aussi donner des variations de coloration qui sont pour le coup totalement indépendantes des variations qu'on peut avoir autrement, qui occurrent normalement, j'ai envie de dire, dans l'espèce. Et là, ça va donner des trucs avec des taches blanches, c'est assez marrant d'ailleurs, des fois. Moi, j'aime bien tous ces trucs-là. Oh, c'est mignon. Tu parlais de taches blanches. Oui. Transition. Oh, attention. Oh, pour parler de couleurs de plumage. Bah oui, on reste dans la coloration. Alors, ça va parler de quoi? Parce qu'on avait déjà parlé de couleurs de plumage, je crois, chez les dinosaures. Oui, on en a déjà parlé. Effectivement. Alors, retournons. Est-ce qu'on retourne dans le monde préhistorique ou un petit peu plus contemporain? Non, on va retourner assez loin quand même parce que, en fait, on va faire le parallèle entre ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé aujourd'hui pour avoir une idée de la coloration des ancêtres des oiseaux actuels. Ok. Et donc, y a un papier qui est sorti y a assez récemment, qui est sorti. Malheureusement, il est sorti dans Nature. Ecology and Evolution, du coup c'est un papier qui n'est pas en libre accès, je suis désolée, je vous mettrai quand même le lien au cas où, mais bon, pour le coup faudra aller voir sur d'autres plateformes parce que sur celle de Nature c'est pas ouvert, vous avez juste l'abstract. Mais ce papier, qu'est-ce qu'il dit en gros? Il parle de la couleur des oiseaux actuels et aussi de la couleur de leurs ancêtres. Et donc en fait ce qu'ils ont fait, et donc il y a toute une équipe de scientifiques, il y a quand même un paquet de monde, qui sont amusés à prendre quasiment, je dirais pas tous les oiseaux actuels, mais la majorité des espèces qu'on connaît actuellement. Donc on est allé parti chercher quand même de la grosse data là, hein. Il y a beaucoup beaucoup de données. Okay. Donc ils ont récupéré toutes les colorations des oiseaux actuels, ils ont codé tout ça dans une grosse database, et ils ont essayé de sortir des conclusions à partir de ça. Et l'une de leurs grosses questions, qui finalement était quelque chose, comment dire, c'est pas exactement une question, mais c'est quelque chose qu'on pensait acquis, c'est quelque chose qui nous semblait logique. Bah tiens, je vais te dire l'affirmation, tu vas me dire si toi tu trouves ça logique. On pense que sous les tropiques, les oiseaux sont généralement plus colorés, ont des couleurs un peu plus iridescentes, enfin bref, des choses un peu plus voyantes. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que... Oui, j'en pense que c'est... C'est effectivement vrai. J'avais lu des trucs là-dessus. Il me semble que c'était une histoire sur le sporophylle. C'était dans Le génie des oiseaux de Jennifer Ackerman. Ouais. Où ils avaient fait deux études sur le sporophylle. Et l'un utilisait justement un plumage qui était plus voyant qu'une autre espèce. Et l'autre espèce utilisait, elle, davantage des critères, entre guillemets, comme l'intelligence ou en tout cas la capacité à s'adapter. Ouais. Et c'était hyper intéressant de voir le parallèle entre les deux, de se dire que on a des animaux avec un plumage qui sont, comment dire, très colorés pour pouvoir attirer les femelles dans un certain, comment dire, dans une certaine voie, et de l'autre côté, on a davantage un aspect un petit peu plus logique pour attirer les femelles dans une autre. Et d'accord. Les oiseaux les plus débrouillards étant ceux que l'on trouve, je pense, assez proche de nous, même si on a quelques exceptions, ou en tout cas les oiseaux étant, les plus débrouillards étant des oiseaux avec des plumages assez peu colorés, ça pourrait faire sens que ces plumages soient comment dire plus colorés au tropique, là où les oiseaux ont peut-être pas forcément l'utilité de s'adapter à leur environnement aussi vite. Et ça se trouve, tu vas me dire, tu as totalement faux. Non, mais ta démonstration a des points qui se tiennent, hein, je suis pas contre. Après, je sais pas si le fait d'être débrouillard est vraiment corrélé avec une absence de coloration très voyante dans le plumage, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'on a aussi tout ce qui est coloration UV que nous, on ne voit pas. Et qui est absolument, assez... absolument. On a effectivement une partie du spectre. Mais moi, c'était un exemple que j'avais lu dans Le génie des oiseaux de Jennifer Ackerman, qui a un très bon livre, même s'il manque quelques petites données scientifiques. Et c'est justement là où ils avaient fait le parallèle entre les deux espèces de sporophiles. Mm. Et ça se tenait plutôt bien. Mais bref, ce n'est pas moi qui présente mon anecdote, c'est toi. Non, mais si t'as des anecdotes aussi, moi je suis intéressée, hein, t'inquiète pas. Bon, bref. En tout cas, du coup, pour en revenir à l'article en question, ils sont donc partis chercher les couleurs des oiseaux d'à peu près le monde entier, en fait. Ils ont pris plus de quasiment 9500 espèces d'oiseaux en tout. Alors, sachant qu'on en a un peu plus de 10 000 dans le monde, ça va. Ce qui est une étude plutôt solide. Voilà. On est quand même parti sur pas mal de choses. Donc, quand j'ai dit qu'il y avait de la data, tu vois, il y a de la data, il n'y a pas de problème. Et du coup, en fait, ils sont intéressés non pas à la coloration des plumes, mais plus à la... ils sont intéressés à la coloration des plumes, mais vous n'êtes pas sans savoir que les plumes des oiseaux sont colorées de deux manières différentes. On a la coloration pigmentaire, donc qui est due aux molécules de pigments que vous retrouvez dans les plumes, donc c'est vraiment comme vous avez un crayon de couleur, là c'est le pigment qui est dans le crayon de couleur en quelque sorte, et vous avez la coloration structurelle de la plume qui est donc basée sur la microstructure de la plume qui va réfléchir la lumière d'une certaine manière pour donner du bleu, pour donner un peu de vert, un peu d'iridescence notamment. Donc tous les... Typiquement ce que vous voyez sur le martin pêcheur d'Europe. Exactement, ou sur le cou du paon par exemple. Ou sur le cou du paon, ou sur les étourneaux sans sonnet. Mmh. Quoique non, sur les étourneaux sans sonnet, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat, Martin mais ça se voit quand même un petit peu, mettons. Ça se voit. Ou les colibris, enfin bref, il y a plein de. C'est pas l'exemple plus parlant. Voilà. Et donc sur cette iridescence des plumes, donc on est sur une coloration structurelle de la plume. Hein, c'est pas du tout un pigment, c'est juste la lumière qui se réfléchit sur la plume. Et ce qui intéressait donc les chercheurs, c'était de savoir d'où ça vient, cette coloration? Est-ce que ça a évolué indépendamment? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué plusieurs fois, peut-être, dans l'histoire des oiseaux? On ne sait pas. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose qui était là au début, déjà, dès le départ, ou est-ce que ça a évolué après? Et est-ce que c'est peut-être quelque chose qui évolue plus facilement dans les tropiques? Parce qu'après tout, on a cette idée que, sous les tropiques, les oiseaux sont beaucoup plus colorés, et donc peut-être que cette iridescence évolue plus volontiers dans les tropiques, là où il fait plus chaud, peut-être qu'il y a plus de plantes pour se camoufler, etc. Donc ils ont pris leurs data, ils ont fait les analyses, c'était beaucoup de mathématiques, hein, donc je vais vous passer sur les stats, mais en gros, ils ont trouvé qu'en fait, les couleurs, la coloration structurelle des plumes n'avait pas pour origine spécialement les tropiques. Cette coloration structurelle a évolué aussi bien dans les tropiques. Au revoir. Aussi bien dans les tropiques que autre part, à des endroits où finalement il faisait pas si chaud que ça. Et ben ça évolue quand même à ces endroits-là. Donc ce n'est pas lié spécialement au fait qu'on soit dans un environnement qui est plus chaud, ça n'a rien à voir visiblement. Ce n'est pas la raison pour laquelle ça évolue. Et ils ont trouvé aussi, et ça c'était assez intéressant, que en fait en combinant toute cette data et en essayant de voir comment ça avait évolué, que vu la quantité d'espèces avec ce genre de coloration et vu la quantité de groupes, de familles d'oiseaux qui sont capables d'avoir cette coloration structurelle, en fait, il était fort probable que l'ancêtre commun de tous les oiseaux, d'il y a à peu près 80 millions d'années, en gros, avait déjà possédé une coloration structurelle des plumes qui donnait lieu à une sorte d'iridescence. Et alors c'est pas quelque chose qui est totalement incongru, parce qu'on connaît déjà cette iridescence dans le registre fossile, dans des animaux qui sont bien plus anciens que ça, qui sont donc les dinosaures non-aviens, hein, que vous connaissez certainement, les ancêtres du moins les cousins de nos oiseaux actuels, qui vont eux aussi avoir des plumes, certaines fois, avec cette iridescence. Donc on a par exemple le cas de Microraptor, qui avait une iridescence des plumes, donc et qui avait des plumes noires, mais un petit peu, voilà, un peu brillantes, avec cette sorte de coloration un peu bleutée qu'on peut avoir, par exemple, quand on regarde le cou du paon. Alors peut-être pas à ce point-là, mais voilà, on était sur ce genre de choses. Et c'est quand même assez incroyable. Donc on suppose que l'ancêtre des néornites, donc les oiseaux actuels, avait possiblement une iridescence des plumes il y a 80 millions d'années. Et c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on est capable de remonter aussi loin et d'arriver à trouver à quoi ça ressemblait à l'époque déjà les oiseaux et leurs plumes. C'est quand même top. Incroyable. Incroyable. Comment on a fait pour déterminer qu'il y avait de l'iridescence sur Microraptor? Alors c'est Guy, je pense, qui est... parce que c'est un truc que moi j'ai évoqué lorsque je faisais des cours, parler de Microraptor et notamment du fait qu'il y ait de l'iridescence. Mais concrètement, comment les paléontologues ont fait pour déterminer qu'il y avait l'iridescence? Et ben c'est comme pour les actuels. Sur le plumage de Microraptor. Comme pour les actuels, tout simplement, on regarde la microstructure des plumes. Et l'avantage, c'est que les plumes de Microraptor étaient suffisamment bien conservées pour qu'on puisse voir la structure moléculaire. Et dans ces cas-là, on regarde un peu quelle tête ça a, et ça nous dit, voilà, vous avez... Alors, bon, pour aller dans les termes un peu plus techniques, en fait, c'est l'agencement dans les cellules des molécules de mélanine qui va vous donner cette microstructure. Donc vous allez avoir des molécules qui vont être agencées d'une certaine manière, ça va vous donner une structure qui va réfléchir la lumière ou pas, en fonction des cas, et ça va vous donner donc une iridescence ou pas. Et donc dans les cellules de Microraptor, on a pu voir que les molécules de mélanine étaient arrangées de manière à donner cette iridescence. Alors, l'avantage, c'est que les molécules de mélanine, enfin les mélanocytes, donc à l'intérieur desquels vous avez la mélanine, ce sont des structures qui sont quand même assez grosses et qui se voient assez bien pour peu que la plume soit suffisamment bien conservée. Si c'était des choses qui étaient un peu plus fines, on ne les aurait pas vues. Mais là, en l'occurrence, les mélanocytes, donc ce sont des petits organites qui sont à l'intérieur des cellules qui contiennent la mélanine, qui vont être facilement identifiables avec un microscope suffisamment important, évidemment, mais bon, voilà, ça se voit quand même assez bien. Et c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que Microraptor avait une iridescence sur ses plumes, tout simplement. Fantastique. Alors, je me place du côté de l'auditeur et de l'auditrice qui connaît peut-être un petit peu. Quand on parle justement d'ancêtres des oiseaux, on parle surtout d'Archaeopteryx. Mais là, on monte beaucoup plus loin. C'est un peu plus loin. Pourquoi ça. 80 millions d'années, Sophie, dans cette étude? Pourquoi 80 millions d'années, c'est une date très importante? Parce qu'on n'entend pas parler de cette date, finalement. Bah, on n'en entend pas vraiment parler beaucoup, parce qu'en fait, c'est pas une crise d'extinction, par exemple, comme la crise d'extinction crétacé-paléogène, hein, 66 millions d'années, celle-là, on la connaît un peu plus. Mais là, en fait, ces 80 millions d'années, c'est une date qui a été inféré par analyse phylogénétique, qui nous permet en fait de revenir un peu en arrière en fonction de ce qu'on a actuellement au niveau des oiseaux, au niveau des familles. On essaie de rechercher la date à laquelle tout ça a divergé, avec un ancêtre commun en quelque sorte. Donc grâce à des analyses génétiques, analyses moléculaires principalement, on est capable de reconstituer les vitesses évolutives de ces animaux-là, en fait, et de se dire, ok, ils ont plus ou moins divergé à cette époque-là. Et donc c'est à partir de cette époque-là que le groupe des oiseaux actuels, les néornites, est né. Et donc on a donné cet âge d'à peu près 80 millions d'années parce que c'est la naissance du groupe des néornites, tout simplement, et on suppose que l'ancêtre commun de tous les oiseaux actuels est né plus ou moins autour de 80 millions d'années. Incroyable. Et ça, on a un fossile qui le sanctionne, c'est ça? Non. D'accord. Après, ça, c'est comme les histoires de chaînons manquants, en fait. D'accord. Les ancêtres communs, ce sont des ancêtres communs hypothétiques. Ce sont des choses, on suppose, qui ont existé, mais qui ne sont pas forcément conservées dans le registre fossile. Donc on n'a pas l'oiseau qui était vraiment à l'origine des néornites. On ne l'a pas et ne l'aura certainement pas. Ce sont des... Et on l'aura jamais. Voilà, ce sont des ancêtres communs hypothétiques. Hein, c'est le c'est le terme consacré, malheureusement. On sait que effectivement il était là à un moment ou à un autre, parce qu'on n'aurait pas pu avoir les oiseaux actuels sinon, hein, ils sont bien descendus de quelqu'un, évidemment. Mais voilà, on ne sait pas exactement à quoi il ressemblait, on ne sait pas exactement à quelle date il est né, et on n'a pas son fossile. Voilà. Incroyable. Et on a un coup de téléphone en direct pour conclure ce petit chapitre. Et pour conclure cet épisode, dans lequel on a parlé de plumes. Et justement, Sophie, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux ? Alors, quand j'ai le temps, je suis sur Twitter, à le plumeux. Et sinon, on est sur Entracte Science, sur YouTube, avec Julien. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver. On a aussi une page Facebook Entracte Science. Et sur Instagram aussi, on te retrouve de temps en temps. Oui. @ le plumeux. Exactement. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de cet épisode du Courrier de la Sterne. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver également sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous nous retrouvez également sur Twitter où on publie lorsque les épisodes sortent. Et c'est à peu près tout ce que l'on fait sur Twitter. Donc, est-ce que vous avez une nécessité de nous suivre sur Twitter ? Je ne suis pas sûr. Ceci étant dit, on se retrouve quand même la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à tous. À plus.